Vivant de Leslie Menahem. Épisode 2, crise. 14 juillet. Le cœur humain pompe 360 litres de sang par heure. Soit 250 millions de litres pour une vie. L'équivalent du débit de la Seine pendant 10 minutes. Le corps compte 200 000 km d'artères, vaisseaux et capillaires. 5 fois le tour de la Terre. Le cœur de l'homme bat de 60 à 80 fois par minute. S'il bat donc 70 fois en moyenne et que l'homme vit 80 belles années, il comptera 2 943 360 000 petites pulsations dans sa totalité. Mais quand vient la crise ? Et ensuite ? Voilà, on prend son mannequin. Et à votre avis, que fait-on en premier ? On penche la tête sur le torse et on écoute. On essaie de voir si la personne respire. Oui, c'est ça. Et après ? Si on est seul, on prend son téléphone et on appelle les secours. Oui, très bien. Et si on n'est pas seul ? Si on n'est pas seul, on demande à l'autre personne d'aller appeler et on reste près de la personne qui a un malaise. Qui appelle-t-on ? Le 15, le 18 ou le 112. Bien. Notre victime vient de faire une crise cardiaque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cœur qui fait acte de pompe ne pompe plus. Le sang ne circule plus correctement. Si le sang ne circule plus correctement, les organes meurent petit à petit. Donc il faut agir vite. Alors que fait-on à votre avis ? Un massage cardiaque ? Absolument. On fait un massage cardiaque. Mettez-vous près de vos mannequins. On se positionne donc à genoux à côté du corps. On pose sa main entre les deux pectoraux, deux doigts en dessous du sternum. Très bien, cet endroit-là. On met son autre main par-dessus en resserrant les doigts pour bien pouvoir faire appui. Voilà, comme ça. Et on appuie. On appuie bien fort à hauteur de 2 coups par seconde. Je compte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, comptez avec moi et appuyez bien fort. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, et on continue à ce rythme-là. 13, 14, 15. Donc, ce que je vous dis sur ce premier secours à la victime est très important. 50 000 personnes par an meurent d'une crise cardiaque, plus de 100 personnes par jour. Ces personnes n'ont que 4% de chances de se réveiller si on ne fait rien. Tandis qu'elles auront 40% de chances de se réveiller si on fait quelque chose. On multiplie par 10 les chances de survie. C'est compris ? Oui. Ok. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Vous pourrez aller retirer vos diplômes auprès de mes collègues. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va chercher... Crise. Crise des organes, crise de nerfs, le cœur lâche tout simplement. À force d'épuisement, de manque d'amour ou de manque d'attention peut-être. Oui. Regardez-moi, je lâche prise, je me débranche, je me déconnecte. Du fond du cœur la crise, ne plus vouloir. Mon père, le dos courbé, le menton contre la gorge, devant les images de la télévision qui reflètent le monde qui tourne, dans lequel il n'est plus. Alors, comme ça on travaille un 14 juillet ? Il n'y a pas de jour férié pour les premiers secours, tu le sais bien. Mais tu peux bien faire une petite pause. Qu'est-ce que tu proposes ? Je te propose une petite promenade au bord de la Seine. Merci, mais... Il y aura peut-être d'autres stagiaires cet après-midi. C'est censé être un jour de fête aujourd'hui. Allez, je t'emmène boire un verre de rosé, hein ? Puis on ira voir le feu d'artifice entre les jambes de la grande dame de fer. Tu préfères pas y aller demain ? Mais Tom, c'est aujourd'hui le 14 juillet. Justement, j'ai pas très envie de faire la fête aujourd'hui. Je préfère travailler. Puis après la Croix-Rouge, je dois passer au laboratoire. Ah, bah c'est la crise, hein ? Travaille plus pour gagner plus. Ça n'a rien à voir, on est bénévole, Bao. Je te taquine, tu sais bien. Ne pas perdre une seconde. Ne pas dormir. Ne pas somnoler. Aller de l'avant. Oublier pour avancer. Ne pas perdre l'équilibre. Respirer. Ne pas tomber. Arriver au laboratoire. Mesurer, comparer, doser, composer, puis repartir. Pisser. Ne pas vomir. Arriver. installer la tente, inscrire, former, parler, puis repartir, rentrer dans le camion, mettre l'alarme en route, ne pas pleurer, on arrivera à temps, on arrivera à temps pour le sauver. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on souffle et on recommence, le cœur comme une montre, comme un tic-tac pour nous rappeler qu'on est vivant. T'es sûr que ça va ? Toujours ? Bon alors, tu dis oui ou tu dis non pour la promenade ? Et toi, Bao ? T'as formé des sauveurs de vie hier ? Absolument. Hier, j'ai eu une femme qui avait perdu son mari il y a quelques semaines. Elle voulait à tout prix apprendre les premiers gestes. Il est mort d'une crise cardiaque ? Qui ça ? Son mari. Hein ? Oui. Mort sur le coup ? Je ne sais pas. J'ai pas demandé de détails. On peut pas sauver tout le monde. Eh bien, on devrait. Le cœur n'a aucune raison de s'arrêter de battre. Surtout quand il aime. Tu peux rien contre l'âge et la fatigue. C'est la crise, Bao. Les gens ne tiennent pas le coup. Pas assez de travail, pas assez d'argent, pas assez de logement. Et la jeunesse s'en fout. Qu'est-ce qui t'arrive, Tommy ? C'est toi qui as l'air d'avoir 150 ans. Allez, viens, on va marcher un peu au bord de la Seine. Hein ? Buter quelques pigeons, émietter des croûtons pour les poissons. Et jouer un peu de guitare sous les ponts. Boire du rosé, manger du saucisson. Décrocher quelques cadenas pour libérer des jolies filles sur le marché de l'amour. Et faire battre nos cœurs à 1000 à l'heure pour éviter la crise. Oh, la crise. Je regarde le feu d'artifice et ses éclats colorés qui disparaissent dans l'immensité du ciel. Et tandis que nous nous tenons par l'épaule, il me semble t'apercevoir, papa. Il me semble que ce sont des petits bouts de toi qui tombent du ciel. Il me semble entendre ton cœur battre en moi. C'était Vivant de Leslie Menahem, épisode 2, Crise. Avec Tom, Mexianou Medenou, les stagiaires Marie Constant et Maya Bokeh, Bao, Slimane Yafsa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Boissé et Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Sophie Haute-Picon.